Chapitre 5e. Des jours, des mois ont passé. Le mariage d'Herboane et d'Anaïque a été célébré dans la petite église qui les a vus grandir. Ce ne fut pas une belle noce, avec des voitures et des toilettes comme on en voit dans les grandes villes, mais l'amour présidait à la fête et les habitants du hameau qui acclamèrent les mariés au passage valaient bien, comme sincérité, tous les couples d'invités qu'on voit dans les grands mariages se presser à la sacristie. Parmi les gens venus prier ou qui voulaient voir les mariés, le vieux colporteur se glissa. Personne ne le remarqua, et les jeunes gens eux-mêmes, qui lui étaient reconnaissants et qui auraient voulu le lui dire, ne l'aperçurent pas au milieu des autres. Pourtant, sous ses paupières épaisses, l'homme suivait Anaïque des yeux. La pauvrette, enfin, est heureuse. Le sort lui devait bien cela. Et Mathieu, dans l'ombre de l'église, souriait à une douce vision. Il évoquait une autre vierge, celle qu'il avait connue jadis du temps où il avait 20 ans et qui ressemblait à celle-ci. Il avait aimé la mère d'Anaïque, et bien qu'elle lui préférait un autre, il ne l'avait pas oublié. Dans son vieux cœur tout racorni, l'amour était resté vivace, comme un joyau bien enchâssé. « J'ai payé ma dette à sa fille, » marmottait-il entre ses dents, en branlant sa tête grise, « puisque j'aurais pu être son père, j'ai fait ce qu'un père aurait fait. » Il radotait bien certainement, car le vieux colporteur, confondant le passé et le présent, la mère et la fille, le rêve et la réalité, évoquait à la fois la femme de sa jeunesse et la mariée d'aujourd'hui, la tradition des Guillots et la mort de leur fils, l'orage effroyable et le bonheur d'Anaïque. Dans ses pensées tumultueuses, de singulières réminiscences entrecroisées. Il avait surpris le jour de l'ouragan la rencontre des deux jeunes gens. Il avait entendu les reproches de l'orpheline et écouté avec effroi les imprécations du Besson. Ce fou qui parlait de se tuer et qui oubliait tous les siens. L'amour fratricide d'un mort doit-il condamner les vivants? Tout cela semblait avoir impressionné terriblement le cerveau du vieux cheminot, et quand les cloches tintèrent pour la sortie de la noce, l'homme se signa avec un étrange rictus. Ils sont gentils tous les deux, convint-il, et les Guillots prennent goût à la vie. Leurs sourires renaîtront pour leurs petits-enfants. Pour ces quatre-là, la vie continue. Mais on ne recherchait en vain la vérité dans les prunelles pâles du pauvre colporteur. Sous les épais sourcils du vieux, il n'y avait que malice, rouerie et joie. Peut-être, après tout, ne savait-il pas lui-même exactement ce qui s'était passé au Toulaniferne le soir de l'ouragan. Il n'y avait qu'une chose dont on fut bien certain, c'est que la tradition, après avoir accompli son œuvre de destruction, reconstruisait maintenant le nid pour de nouveaux destins. L'orage avait passé sur le toit des Guillots. Ainsi s'achève un mot fratricide par Max Duvesy.